chers auditeurs, ici vous parle le podcast du créateur. Et toutes les semaines, je citerai un poste qui aura la duration de toute la semaine. Le poste de cette semaine s'appelle « Le guérison annoncé » que je passerai à citer. L'homme ne réussit pas à ménager médicaments qui guérissent toutes les maladies physiques. Il pense que le psychiatrique peut guérir toutes les maladies du fort psychique. Le numéro de maladies que c'est aujourd'hui guéri par médicaments peut être grandi au presque rien en rapport au passé, dont les maladies ont été guéries au travers de médecines conventionnelles avec l'use de déterminés de plantes. Les maladies qui sont dues fort psychologiques continuent à l'être. De maladies énigmatiques et continuent sans guérison. Que aux maladies qui demandent intervention chirurgique, en appliquant le propre transplant, le lui demande pour remédier le mal qu'un corps présente, mais dont le remède ce n'est pas définitif. Donc les malades continuent à dépendre de la volonté de Dieu pour survivre, et une fois que les transplants eux-mêmes peuvent être incompatibles avec leur organisme qui a reçu le transplant, sans compter de plus avec l'intervention du chirurgien. Quant aux douleurs qu'un individu précise d'alléger, il lui réussit avec médicaments extraits de plantes, comme c'est le cas de la morphine et d'autres dérivés de plantes. Donc on revient à la question de que la médecine avec des plantes, c'est la plus efficace dans le combat aux maladies du corps de l'homme. Malgré toutes les méthodes médecines, la foi continue à mouvoir des montagnes, donc on se doit recourir à Dieu avec plus de fréquence lorsque nos maladies on veut guérir. Et c'est la fin du poste de 17 août 2016. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans le blog intitulé « Au Créateur Éterno » écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Au Créateur Éterno » au Verbe écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter Albinoni, Symphonie in G Major, troisième mouvement.